Je cherche la petite bête pour sortir ce soir. Faut que je m'embrouille avec ma meuf, faut que j'invente une histoire. Y'a rien qui m'attend, ça fait plus d'une heure. Raconte pas tes problèmes de cœur, j'suis pas d'humeur. Ok, petit cadeau miskil. On traîne en lambeau, souvent en Clio. On veut des fihnines, fuck les bimbo. Tête de bico, avec un gros naso. Tu fais pas des cousines, ton sac piton c'est un faux. Ok, allô docteur. Faites attention, profitez bien, c'est bientôt le Ramadan.